إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Chers frères, tout d'abord, je vous souhaite un bon Ramadan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite son jeûne ainsi que la prière obligatoire et prière de nuit ainsi que toutes les bonnes œuvres comme la lecture du Coran et comme les aumônes pendant ce mois béni et pendant toute l'année. Nous commençons aujourd'hui l'explication de quelques hadiths choisis parmi les 40 hadiths qu'a réunis An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans son livre très connu qui est « Les 40 hadiths de Nawawi ». J'ai choisi quelques hadiths qui me sont apparus appropriés pour ce mois de Ramadan. Et nous commençons aujourd'hui l'explication du hadith numéro 29. Donc voici le texte. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار selon معاذ بن جبل qu'Allah l'agrée, il dit j'ai dit ô messager d'Allah informe-moi d'actes qui me feront entrer au paradis et qui m'éloigneront de l'enfer. قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a répondu Tu m'interroges à propos d'une chose immense, mais qui est facile pour celui à qui Allah l'a rendu aisé. Ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasumu Ramadan wa tahujju al-bayt. Adore Allah et tu ne lui attribues aucun associé. Tu accomplis la prière, tu acquittes la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan et tu accomplis le pèlerinage à la maison sacrée. Thumma qal, ala adulluka ala abwab al khair. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: ne t'indiquerai-je pas les portes du bien? As-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar wa salatu ar-rajuli min jawfi al-layl thumma tala tatajafa junubuhum 'an al-madaji' hatta balagha ya'malun. Le jeûne est un bouclier et l'aumône efface les péchés. L'aumône éteint les péchés tout comme l'eau éteint le feu. Et la prière de l'homme au milieu de la nuit. Puis il récita les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens des versets: ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ceux que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم dit: ne t'indiquerai-je pas la tête de cette chose, son pilier et son sommet? قلت بلى يا رسول الله. Muaz répondit: bien sûr, ô messager d'Allah. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: la tête de cette chose est l'islam, son pilier est la prière et son sommet est le djihad. Maqal ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne t'indiquerai-je pas ce qui te permettra de maîtriser tout cela? Qultu bala ya Nabi Allah. J'ai répondu, certainement, ô messager d'Allah. Fa akhadha bi lisani thumma qala fa akhadha bi lisanihi wa qala: alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenu sa langue et il dit: préserve-toi de cela. Et il dit: préserve-toi de cela. Fa qultu ya Nabi Allah. Alors je dis, ô messager d'Allah, serons-nous jugés sur nos propos? فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم répondit: Que ta mère te perde, ô Mu'adh. Y a-t-il une chose qui précipitera les gens dans le feu de l'enfer, sur leur face ou sur leur nez, autre que ce que leur langue auront prononcé? Rapporté par Tirmidhi. Selon Hadith, nous allons l'expliquer bi'idhnillahi ta'ala en deux parties. La première partie aujourd'hui et la deuxième demain bi'idhnillahi ta'ala. Fahada hadithun azim. يرسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يوصل صاحبه إلى الجنة ويباعده عن النار. Donc ce hadith est un hadith immense dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم nous explique le chemin qui amène celui qui l'emprunte au paradis et qui l'éloigne de l'enfer. وهذا يحتاجه كل مسلم. Et ceci, tout musulman en a besoin. فكل مسلم يريد دخول الجنة والنجاة من النار. Car tout musulman désire entrer au paradis et être sauvé de l'enfer. ولكن ما الطريق. Mais quel est le chemin pour cela? فلذلك سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. C'est pour cela que Mu'adh رضي الله عنه a interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم sur cela. لأن الإنسان ليس باستطاعته أن يعرف طريق الجنة من طريق النار إلا من ناحية الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. En effet, l'être humain ne peut connaître, ne peut distinguer le chemin du paradis de celui de l'enfer, si ce n'est à travers la révélation qui a été descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yakinna ila uqulina wa tafkirina. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé nous baser sur nos raisons et sur nos pensées et sur nos idées. Wa innama arsala hadha ar-rasul wa anzala hadha al-kitab من أجل أن يبين لنا طريق الجنة وطريق النار. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a descendu ce livre, le Coran, afin de nous éclaircir le chemin du paradis et le chemin de l'enfer. وفي هذا دليل على وجوب سؤال أهل العلم عن أمور الدين Et dans cela, il y a une preuve sur l'obligation de poser, d'interroger les gens de science en ce qui concerne la religion. لأنها لا يسأل عنها غير العلماء لا يسأل عنها الأطباء والمهندسون. En effet, les choses de la religion, on ne doit pas interroger sur les choses de religion autres que les savants. On ne doit pas interroger les médecins ou les ingénieurs. فأمر الدين ليس من مدارك العقول وإنما هو بالوحي المنزل. Car les choses de la religion ne sont pas perceptables par la raison, mais on les perçoit avec la révélation qu'Allah a fait descendre. ثم قوله قول معاذ رضي الله عنه أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. Ensuite, lorsque Mu'adh dit informe-moi d'un acte ou informe-moi d'actes qui me feront entrer au paradis et m'éloigneront de l'enfer. هذا السؤال من معاذ رضي الله عنه يدل على شدة اهتمامه بما ينفعه في الآخرة. Cette question posée par Mu'adh, radiallahu anh, nous montre la grande importance qu'il donne à ce qui lui sera bénéfique dans l'au-delà. فَإِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُمْ كَانَتْ هِمَمُهُمْ عَالِيَةً حَيْثُ كَانَتْ هِمَّتُهُمْ وحرصهم على العلم الشرعي والعمل للآخرة لا على أمور الدنيا. En effet, les compagnons رضي الله عنهم avaient une grande motivation et une motivation noble et haute, car leurs efforts étaient concentrés sur la science religieuse et les actes pour l'au-delà et les actes pour l'au-delà. Ils ne déployaient pas tous leurs efforts et toute leur motivation pour les choses de ce bas monde. وهذا ما يريده كل مسلم يعني دخول الجنة والنجاة من النار. هذا ما يريده كل مسلم. Et ceci, l'entrée au paradis et le salut de l'enfer, ceci, c'est ce que tout musulman recherche. وهذا السؤال يدل على أن الجنة لا تدخل إلا بعمل والنار أيضا تدخل بعمل. Et cette question que Mu'adh a posée nous montre également qu'on ne peut entrer au paradis sans acte. Et de la même façon, on entre en enfer à cause de nos actes. فَعَمَلُ الْخَيْرِ يُدْخِلُ الْجَنَّةِ وَعَمَلُ الشَّرِّ يُدْخِلُ النَّارِ. Donc les bonnes œuvres permettent d'entrer au paradis et les mauvaises œuvres font entrer en enfer. فلا أحد يدخل الجنة أو النار بدون عمل. Donc personne n'entre au paradis ou en enfer si ce n'est à cause de ses actes. فالأعمال سبب لدخول الجنة. Donc les actes sont une cause pour entrer au paradis. ولا يستحق أحد الجنة بمجرد عمله إلا أن يتغمده الله برحمته. Et nul ne mérite d'entrer au paradis. Nul ne mérite d'entrer au paradis juste grâce à son acte, juste grâce à ses actes. On ne mérite pas l'entrée au paradis juste par nos actes, mais il faut en plus de cela qu'Allah nous englobe de sa miséricorde. عِلْمًا بِأَنَّ الْعَامَلَ نَفْسَهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ. En sachant que les actes eux-mêmes font partie de la miséricorde d'Allah et de sa grâce. فَدُخُولُ الْجَنَّةِ وَسَبَبُ دُخُولِهَا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ. Donc l'entrée au paradis, de même que les causes qui permettent d'entrer au paradis, tout cela fait partie de la miséricorde d'Allah et de la grâce qu'il accorde à qui il veut. Qu'Allah nous accorde de sa grâce. ثم قوله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم. La parole du prophète صلى الله عليه وسلم: tu m'as interrogé sur une chose immense. عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسؤول عنه من أجل أن ينبه السامعين والقارئين إلى عظم هذا الأمر حتى يهتم به. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immensifié cette question afin d'attirer l'attention de l'auditeur et du lecteur pour qu'ils se rendent compte de l'immensité de cette chose et pour qu'ils lui donnent son importance. فَإِنَّ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ أَمْرٌ عَظِيمٌ جِدًّا. Certes, l'entrée au paradis et le salut de l'enfer est une chose immense. لأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. Pour cette chose, Allah a fait descendre les livres et a envoyé les messagers. وهذا هو الفوز الحقيقي والفلاح الحقيقي والسعادة الحقيقية. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ceci, l'entrée au paradis et le salut de l'enfer, c'est la grande réussite et c'est l'énorme succès c'est le véritable succès. Et c'est le véritable bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens des versets: quiconque donc sera écarté de l'enfer et entré au paradis aura certes obtenu une énorme une énorme récompense, ou plutôt aura certes réussi. Et la vie de ce bas monde n'est rien d'autre que jouissance trompeuse. ثم قوله صلى الله عليه وسلم وإنه ليسير على من يسره الله عليه مع عظمه فإنه يسير على من يسره الله عليه. Et puis la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, mais il est certes facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'aura rendu aisé, malgré l'immensité de cette chose. Elle est certes facile pour celui à qui Allah l'aura rendu facile. لأن الدين ولله الحمد دين سمح لا حرج فيه ولا مشقة وإنما هو دين يتمشى مع قدرات الإنسان. Car la religion, walhamdulillah, est une religion d'aisance dans laquelle il n'y a pas de difficulté. C'est une religion qui marche avec les capacités de l'être humain. Min ghayri takallufin wa min ghayri tasahulin wa tadyi', sans exagération et également sans laxisme et délaissement. فهو طريق سهل لكن على من يسره الله عليه. C'est donc un chemin facile, mais il est facile uniquement pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'aura rendu facile. أما من لم يسره الله عليه فهو صعب. Quant à celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aura pas rendu facile, alors pour lui il sera difficile. وفي هذا إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله تعالى. Il y a là-dedans une indication que la réussite et le succès entier est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. قوله صلى الله عليه وسلم تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Donc ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم donne l'explication du chemin qui fait entrer au paradis et qui éloigne de l'enfer. Il dit: tu adores Allah et ne lui attribue aucun associé. هذا الأصل تعبد الله ولا تشرك به شيئا. Donc ceci, c'est la base. Tu adores Allah et tu ne lui attribues aucun associé. وهذا هو التوحيد. Et ceci, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala. An tatawajjaha bi jami' anwa' al-ibadat al-qalbiyya wal-qawliyya wal-'amaliyya ila Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu dun kulli ma siwa. Donc je disais, ceci est le tawhid. Que tu te diriges dans tous les types d'adoration, que ce soit des adorations du cœur, des adorations de la parole ou des adorations des actes avec les membres, tu te diriges dans toutes ces adorations vers Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, en dehors de tout autre que lui. فَلَا تَصْرِفُ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ لِغَيْرِ اللَّهِ لَا مَلَكٌ وَلَا نَبِيٌ وَلَا عَالِمٌ وَلَا عَابِدٌ. Tu n'attribues aucune adoration à autre qu'Allah, que ce soit un ange, un prophète un savant ou un dévot, un adorateur. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقوله تعبد الله بل قال ولا تشرك به شيئا كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith, il ne s'est pas contenté de dire tu adores Allah, mais il a dit et tu ne lui attribues aucun associé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit également, et adorer Allah et ne lui attribuer aucun associé. Car l'adoration n'est valable et n'est acceptée qu'avec la sincérité. Envers Allah subhanahu wa ta'ala seul. فَإِذَا دَخَلَهَا الشِّرْكِ فإنها تبطل ولا تنفع صاحبها ولا تنفع صاحبها ولا يقبله الله تعالى. Car l'adoration, lorsque le shirk, yani l'associationnisme, le polythéisme, lorsqu'il se mélange à l'adoration, il l'annule. Et cette adoration n'est plus profitable à celui qui l'a fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas. Fal mushrik la yuqbalu minhu amal. Donc l'associateur, le polythéiste, aucun acte n'est accepté de lui. Wa kullu amalin khalatahu shirkun min riya'in aw sum'atin aw iradati ad-dunya. Et également, tout acte dans lequel s'est introduit du shirk, que ce soit de l'ostentation, la recherche de la renommée ou la recherche d'un profit mondain, lorsqu'une de ces choses s'introduit dans l'adoration, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas cette adoration. Qawluhu wa tuqimu s-salah. Puis il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu accomplis la prière. Wa hadha huwa ar-ruknu ath-thani min arkani al-islam. Wal muradu bis-salati as-salawat al-khams. Donc ensuite, le prophète sallam dit, tu accomplis la prière. Ceci est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam, l'accomplissement de la prière. Et ce qui est voulu par la prière ici, ce sont les cinq prières obligatoires. وَقَالَ تُقِيمُهَا وَلَمْ يَقُلْ تُصَلِّي لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ لَا شَكْلَ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا الصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى أَرْكَانِهَا وَشُرُوتِهَا وَوَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu accomplis la prière. Il n'a pas dit, tu pries. Il a dit, tu accomplis la prière. Car ce qui est voulu, c'est l'accomplissement de la prière correctement, convenablement, non pas simplement les gestes de la prière. La prière qui est accomplie convenablement, c'est celle qui contient, c'est celle dans laquelle sont respectés les piliers, les conditions, les obligations et les sunnah, les actes recommandés. Hadhihi hiya as-salatul qa'imah. C'est celle-là, la prière qui est accomplie convenablement. Amma as-salatu allati takhtallu fiha al-arkanu aw ash-shurut أو الواجبات فهذه لا تكون صلاة نافعة عند الله سبحانه وتعالى. Quant à la prière qui contient des défauts et des manquements en ce qui concerne les piliers ou les conditions ou les obligations, eh bien cette prière n'est pas bénéfique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui l'a accompli. Qawluhu wa tu'ti zakat. Et puis sa parole lorsqu'il dit tu t'acquittes de la zakat. Hadha huwa ar-ruknu ath-thalith. Ceci est le troisième pilier parmi les piliers de l'islam. Wa huwa ita'u az-zakat. Qui est l'acquittement de la zakat. Allati faradaha Allah fil amwal. Cette zakat qu'Allah a rendue obligatoire sur les biens de l'homme. Wa hiya qarinatu as-salah. Et elle est la chose qui a été rattachée à la prière. Wa hiya al-miqdar al-muqaddar lil-fuqara wal-masakin wal-asnaf ath-thaniya allati bayyanaha Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette zakat, c'est une part qui a été décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui est destinée pour les pauvres et les huit types de personnes qui peuvent en profiter. فَهِيَ عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ وَالصَّلَاةُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ. Donc la zakat est une adoration par les biens, tandis que la prière est une adoration par le corps. قَوْلُهُ وَتَصُومُ رَمَضَانَ. Puis il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu jeûnes le mois de Ramadan. هذا الركن الرابع تصوم رمضان. Ceci est le quatrième pilier de l'islam, de jeûner le mois du Ramadan. وهو شهر في السنة وصوم شهر رمضان فرض وركن من أركان الإسلام. Et donc le mois du Ramadan est un des mois de l'année musulmane, le neuvième mois de l'année musulmane, et le fait de jeûner ce mois-là est une obligation et un des piliers de l'islam. Qawluhu wa tahujjul bayt. Puis il dit, et tu accomplis le pèlerinage à la maison sacrée. Hadha huwa ar-ruknu al-khamis min arkan al-islam. Ceci est le cinquième pilier des piliers de l'islam. والحج بينته الأحاديث الأخرى أنه مرة واحدة في العمر على المستطيع. Le pèlerinage, le hajj, les hadiths sont venus expliquer qu'il était une obligation une fois dans la vie pour celui qui en a les capacités. Pèlerinage, en plus du pèlerinage obligatoire, eh bien, ceci est recommandé et ce sont des actes surérogatoires. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Mu'ad, n'indiquerai pas les portes du bien, يعني زيادة على أركان الإسلام, c'est-à-dire en plus des piliers d'islam, بأن الدين ليس محصورا في أركان الإسلام, car la religion ne se limite pas aux piliers de l'islam. ولكن هذه هي الأساسات وهناك أعمال أخرى كثيرة تتبع هذه الأركان وتكملها وهي جميع أنواع الطاعات من فرائض ونوافل وواجبات ومستحبات. En effet, la religion ne se limite pas aux piliers de l'islam, mais les piliers de l'islam sont les bases. Et il y a d'autres actes, il y a beaucoup d'autres actes qui suivent ces piliers de l'islam, qui les complètent. Ces autres actes, ce sont tous les actes d'obéissance, que ce soit des obligations ou des recommandations. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, as-sawmu junnah. Puis le prophète sallam dit, le jeûne est un bouclier. يعني سترة بين العبد وبين النار. C'est-à-dire, le jeûne est une protection qui vient s'interposer entre l'être humain et l'enfer. فهو وقاية تقي العبد من النار. Donc le jeûne est une protection qui protège le serviteur de l'enfer. لكن بشرط أن لا يخرقها بالسيئات. Mais cette protection qui protège le serviteur de l'enfer, elle ne peut le protéger qu'à condition qu'il ne le perce pas ou qu'il ne la perce pas par les péchés. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. Et c'est pour cela qu'il a été rapporté dans les deux recueils authentiques de Bukhari et de Muslim, selon Abu Hurayra radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne est un bouclier. Donc lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne prononce pas de propos obscènes, qu'il ne prononce pas d'obscénité et qu'il ne crie pas. Et si jamais quelqu'un vient à l'insulter ou à le combattre, alors qu'il lui dise « Je suis quelqu'un en état de jeûne ». والصوم إما فريضة مثل صيام رمضان وإما نافلة مثل صيام الأيام التي جاء الدليل بصيامها كالست من شوال وكل اثنين وخميس وثلاثة أيام من كل شهر ويوم عرفة ويوم عاشورة وغير ذلك. Et le jeûne est soit obligatoire, tel que le jeûne du mois du Ramadan, ou soit surérogatoire, tel que le fait de jeûner les jours sur lesquels il y a une preuve que ces jours-ci ou que ces jours-là sont, que dans ces jours-ci, le jeûne est recommandé, tel que le jeûne des six jours de Shawwal, qui est le mois qui suit le mois du Ramadan, ou le jeûne des jours lundi et jeudi, ou le jeûne de trois jours pendant le mois, et qui est recommandé que ce soit les jours de pleine lune, le 13, 14 et 15 de chaque mois lunaire, ou le jeûne du jour de Arafah, qui est le 9e jour du mois de Dhul-Hijjah, le mois du Hajj, ou le jeûne du jour de Ashura, qui est le 10 du mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année musulmane, et d'autres jours sur lesquels il y a une preuve qu'il est recommandé de jeûner. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et l'aumône éteint les péchés, tout comme l'eau éteint le feu. والصدقة أيضا على قسمين فريضة وهي الزكاة وتطوع وهي التبرعات في وهي التبرعات في وجوه الخير. Et l'aumône également est de deux types. L'aumône obligatoire, qui est la zakat, et l'aumône surérogatoire, qui sont tous les types d'aumônes dans les voies du bien. فإنك تتصدق على المحتاجين. Donc, l'aumône éteint les péchés, c'est-à-dire efface les péchés, tout comme l'eau éteint le feu. Donc, si tu veux effacer tes péchés, alors fais des aumônes pour les gens qui sont dans le besoin, pour les nécessiteux. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. C'est-à-dire, dans la traduction rapprochée du sens des versets, ou du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: si vous faites ouvertement vos aumônes, c'est bien. Et c'est encore mieux pour vous si vous êtes discret lorsque vous les faites et que vous les donniez aux indigents, et aux nécessiteux, aux pauvres. Allah effacera une partie de vos bienfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et quelqu'un pourrait dire: moi, je n'ai pas d'argent pour pouvoir faire des aumônes. Je n'ai pas de bien pour pouvoir faire des aumônes. Et donc, il se prive de quoi? Il se prive de faire des aumônes. Il se prive de faire des aumônes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de bien. Il n'a pas d'argent. Sache, toi qui n'as pas beaucoup de bien, que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des exemples d'aumônes pour celui qui n'a pas de bien. Car des gens pauvres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont plaints. Ils ont dit que les riches parmi nous, yani, ils ont dit les riches parmi nous ont pris le dessus sur nous dans la récompense. Ils nous ont devancés dans la récompense. Car nous n'avons pas de quoi dépenser de nos biens. Nous n'avons pas de quoi faire l'aumône. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des choses par lesquelles ils pourront faire de l'aumône. Il leur a dit, comme dans le hadith rapporté par Muslim, inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahmidatin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun an munkarin sadaqa wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Le prophète sallam leur a dit, chaque tasbih, c'est-à-dire à chaque fois que tu dis subhanallah, c'est une aumône. Et également chaque takbir, à chaque fois que tu dis Allahu Akbar, c'est une aumône. Et chaque tahmid, à chaque fois que tu dis alhamdulillah, c'est une aumône. Et chaque tahlil, à chaque fois que tu dis la ilaha illallah, c'est une aumône. Et l'ordonnance du bien est une aumône. Et l'interdiction du mal est une aumône. Et dans les rapports intimes, il y a ceci, et les rapports intimes sont une aumône. Les compagnons, lorsqu'il leur a dit ceci, lui ont dit, comment, ô messager d'Allah, est-ce que l'un d'entre nous va assouvir ses désirs et avoir en plus de cela une récompense? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, voyez-vous s'il aurait assouvi ses désirs dans l'interdit, aurait-il pris un péché? La réponse, bien sûr. Eh bien, de la même façon, le fait qu'il assouvit ses désirs dans le halal, dans ce qui est licite, ceci lui vaut une récompense. Et également, dans l'autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, toujours pour expliquer des manières de faire l'aumône pour celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de bien, ta'dilu bayna ithnayni sadaqa wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmilu lahu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqa wal kalimatu at-tayyibatu sadaqa wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqa wa tumitu al-adha 'an at-tariqi sadaqa. Donc dans l'autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu juges, si tu tranches avec justice entre deux personnes, ceci vaut pour une aumône. Et tu aides l'homme sur sa monture, en l'aidant à mettre ses provisions sur sa monture, ceci également est une aumône. Et la bonne parole est une aumône. Et chaque pas que tu fais pour aller à la prière est une aumône. Et le fait de retirer l'obstacle du chemin est une aumône. Donc toutes ces aumônes, que ce soit le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'évocation d'Allah en disant subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah, ou que ce soit en ordonnant le bien, en interdisant le mal, ou que ce soit en ayant des rapports intimes, ou en tranchant avec justice entre les gens, ou en aidant quelqu'un sur sa monture, ou en allant à la prière, ou bien en disant de bonnes paroles, ou alors en enlevant l'obstacle du chemin, dans tout ça, c'est une aumône. Et tout ceci, tous ces actes sont des choses qui effacent les péchés. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa salatu ar-rajul min jawfi al-layl. Puis la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la prière de l'homme. Et la prière de l'homme au milieu de la nuit. Fa inna afdalu an-nawafil salatu ar-rajuli fi jawfi al-layl. Sachez que les meilleures prières surérogatoire, les meilleures prières non obligatoires, ce sont les prières de nuit, les prières au milieu de la nuit. لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمِ النَّاسِ وَوَقْتُ هُدُو. Car la nuit, c'est un moment où les gens dorment et c'est un moment où il y a la tranquillité. ويكون بعد نوم وراحة فيكون الإنسان حاضر القلب وقد أخذ حظه من النوم فيقوم نشيطا. Et la prière au milieu de la nuit, elle est faite après avoir dormi et s'être reposé, de telle sorte que l'être humain est concentré dans sa prière. Il a pris sa part suffisante de sommeil afin qu'il puisse se lever, afin qu'il se lève. يعني en pleine forme pour prier. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, Allah dit la prière pendant la nuit Allah subhanahu wa ta'ala dit la prière pendant la nuit a plus d'effet et est plus propice pour la récitation. وقد قال صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: la prière la plus aimée d'Allah est la prière de Daoud alayhi salam. Et le jeûne le plus aimé par Allah est le jeûne de Daoud. Il prie, il dormait la première moitié de la nuit. Il dormait la moitié de la nuit. Puis il se levait pour prier pendant un tiers. Puis il se rendormait pendant un sixième. Et il jeûnait un jour et il rompait le jeûne l'autre jour. C'est-à-dire qu'il jeûnait un jour sur deux. يقوم الثلث فكان يقوم الثلث الذي بعد النصف وهذا هو جوف الليل. Donc Daoud alayhi salam, sa prière de nuit qui est la prière la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il priait, il se levait pour prier le tiers qui vient après la moitié de la nuit. Et ceci est le milieu de la nuit. يصادف النزول الإلهي في آخر الليل. Et ceci correspond à quoi? À la descente divine dans la dernière partie de la nuit. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceci est la croyance des gens de la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel du bas monde le dernier tiers de chaque nuit. Et il dit, y a-t-il un repentant afin que j'accepte son repentir? Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque afin que je l'exauce? Y a-t-il quelqu'un qui me demande quelque chose afin que je lui accorde? يجمع بين جوف الليل وبين آخر الليل وقت النزول الإلهي فيجمع بين الفضيلتين فمن أراد أن يحصل على هذا الأجر يرتب القيامة في هذا الوقت. Donc, il réunit entre le milieu de la nuit Et la dernière partie de la nuit, au moment de la descente divine, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, il réunira entre quoi ? Entre les deux biens et les deux mérites. Donc quiconque peut obtenir toutes ces récompenses alors qu'il se lève pour la nuit, pour prier la nuit à ce moment-là. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ceux que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. يعني يقومون في الليل ويتركون المضاجع الدائفة في الشتاء والمضاجع المريحة يتركون ما يحبون ويقومون لطاعة الله عز وجل. C'est-à-dire, ils se lèvent dans la nuit, ils délaissent leur lit et leur couverture chaude en hiver. Ils délaissent leur couverture chaude en hiver. Et leur lit reposant, ils délaissent tout cela, toutes ces choses qu'ils aiment, ils les délaissent et ils se lèvent pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour son obéissance. فكونهم يتركون المضاجع ويقومون هذا دليل على صدق إيمانهم ومحبتهم للخير. Donc le fait qu'ils délaissent leur lit et qu'ils se lèvent pendant la nuit, ceci est une preuve sur la véracité de leur foi et leur amour pour les actes de bien. وأيضا القيام في جوف الليل أكثر إخلاصا لأن الناس نائمون لا يرونه. Et également le fait de se lever au milieu de la nuit pour prier, ceci est plus propice à la sincérité, car les gens dorment et ne te voient pas. Et Cheikh Saleh Ali Cheikh, hafizahullah ta'ala, en parlant de la prière de nuit, nous dit: فصلاه الرجل في جوف الليل هذه من اعظم ابواب الخير. La prière de l'homme au milieu de la nuit fait partie des plus grands actes de bien. وبها يحصل للمرء من النور في قلبه وحسن تعامله مع ربه وخشيته له والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ما لا يدخل تحت وصف. Et grâce à cela, à la prière au milieu de la nuit, l'homme obtient comme lumière dans son cœur et comme bon comportement avec son Seigneur, et comme crainte et concentration, et comme renoncement à ce bas monde, et comme motivation pour l'au-delà. Il obtient de tout ça ce qui ne peut être décrit. أعاننا الله وجميع المسلمين على ذلك. Le Cheikh dit qu'Allah nous aide et nous facilite, ainsi qu'à tous les musulmans ceci. Qu'Allah nous facilite ceci ainsi qu'à tous les musulmans. Puis il dit: فإن صلاة الرجل والمرأة في جوف الليل هذه يكون معها التدبر للقرآن. Certes, la prière de l'homme ou de la femme au milieu de la nuit vient avec ceci, la méditation du Coran. وحسن مناجات الله, et le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala d'une bonne manière. والدمعة التي تسبل من خشية الله عز وجل, et les larmes qui coulent par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذ يكون المرء في ذلك على يقين من أنه إنما قام لله عز وجل وحده. Car la personne, lorsqu'il prie la nuit, au milieu de la nuit, il a la certitude qu'il, quoi qu'il s'est levé, qu'il ne s'est levé que pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. فَتَعْظَمُ السِّلَةِ وَيَعْظُمُ التَّعَلُّقُ وَيَعْظُمُ إِخْبَاتُ الْقَلْبِ وَالرَّجَاءُ وَالرَّهْبَةُ وَالْخَوْفُ وَيُؤَثِّرُ الْقُرْآنَ وَيُؤَثِّرُ الْقُرْآنُ فِي الْقُلُوبِ تَأْثِيرًا عَظِيمًا فَأَصْحَابُ اللَّيْلِ هُمْ أَهْلُ التَّقْوَى. انتهى كلامه حفظه الله. Et donc Cheikh termine en disant, et ainsi, yani, du fait que le serviteur à la certitude qu'il ne s'est levé que pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, ceci augmente sa relation et son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci augmente son l'humilité de son cœur envers Allah et son espérance et sa peur et sa crainte d'Allah. Et pendant la nuit, le Coran agit sur les cœurs d'une manière forte et émouvante. فَأَصْحَابُ اللَّيْلِ هُمْ أَهْلُ التَّقْوَى. Il dit donc, pour finir, les gens de la nuit, c'est-à-dire les gens de la prière de nuit, sont les gens de la piété et de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont eux les gens de la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous dis, étant donné que nous sommes pendant le mois du Ramadan, que ces portes du bien, et je vous dis, étant donné que nous sommes pendant ce mois du Ramadan, pendant le mois du Ramadan, que les portes du bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans ce hadith, lorsqu'il dit, ne t'indiquerai-je pas les portes du bien, il dit ensuite, le jeûne est un bouclier et l'aumône éteint les péchés, tout comme l'eau éteint le feu. Et la prière de l'homme au milieu de la nuit, eh bien pendant le mois du Ramadan, ces trois choses-là sont réunies. Pendant le mois du Ramadan, nous jeûnons. Et ce jeûne est une protection contre le feu de l'enfer. Et pendant le mois du Ramadan, il est recommandé de faire des aumônes, que ce soit par les biens, par l'argent, ou que ce soit par toutes les actes, par tous les actes de bien qui sont considérés comme des aumônes en islam, tel que nous l'avons cité. Et également, pendant ce mois du Ramadan, nous prions, que ce soit les prières obligatoires ou que ce soit les prières surérogatoires, et surtout la prière du Tarawih, qui est considérée comme une prière de nuit. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se lève pour prier la nuit pendant le mois de Ramadan avec foi et en recherchant la récompense d'Allah, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith dit: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque se lève pour prier pendant la nuit avec son imam jusqu'à ce qu'il quitte la prière, yani jusqu'à ce que l'imam quitte la prière, yani jusqu'à ce que l'imam finisse la prière, celui qui se lève pour prier avec son imam jusqu'à ce que cet imam finisse la prière et parte, il lui sera compté comme quoi il a prié toute la nuit. فلا تبخلوا على أنفسكم في هذا الشهر الكريم أو في هذا الشهر العظيم عفوا. Donc ne soyez pas avares envers vous-même pendant ce mois béni. Wasumu wa tasaddaqu wa sallu salat al-layl wa nahar. Donc, jeûnez et faites des aumônes et priez la nuit comme le jour. Et sur ce, je m'arrête et je vous dis à demain bi'idhnillahi ta'ala à la même heure, à midi et demi bi'idhnillahi ta'ala, nous reprendrons la suite, l'explication de la suite de ce hadith. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.